Vous êtes assez fou pour l'écouter. Assemblage Reiki est présenté en collaboration avec l'AGE UQTR. Le plan d'aujourd'hui à Assemblage Reiki. David Ferron vient nous en faire voir de toutes les couleurs avec sa carte bleachée. Et Marie-Christine Perrin nous fera entendre ce qu'on peut voir, ce qu'on ne peut pas voir à la radio où il en gratin et vin gratuit. Assemblage Reiki commence tout de suite. Bonjour et bienvenue à Assemblage Reiki en ce lundi 26 octobre 2015, 183 jours avant la fin de l'année scolaire 2015-2016. Je m'appelle Mathieu Plante. Et moi, Tania Baudin. Salut Tania, t'as passé une belle fin de semaine? Très belle fin de semaine. Je te dirais par contre que le froid m'a vraiment pris d'assaut, là. J'ai les oreilles gelées, matin. Ouais, c'est terrible. J'ai la grippe, je pense. Oh non! Ouais. Mais là, j'espère qu'on ne perdra pas en cours de semaine. Mais non, ça devrait pas. OK. On devrait être ici toute la semaine, pareil. C'est ça. Ben justement, on est ensemble toute la semaine à Assemblage Reiki. On est ensemble en plus au Palmarès C'est fou les mardis. Oui. Et là, en fait, on s'est dit on va se voir aussi pour aller voir le show de la bronze samedi soir. C'était-tu bon, rien qu'un peu? C'était au Zenob. Oui. Puis une belle performance intime, comme on les aime, en fait. Mais c'était pas mal fait parce que c'était intime. C'était excellent. C'était génial. On vous en reparlera mardi, d'ailleurs, au Palmarès demain, en fait. Aujourd'hui, à l'émission, on va avoir David Ferron à 8h pour sa chronique La Carte Bleachée. Comme toujours, il nous amène ses sujets de musique du monde, un petit peu partout dans le monde, en fait. Il nous explore ça gratuitement, Quoi, La Carte Bleachée. Même chose pour Marie-Christine Perra qui court les événements d'art visuel gratuit, les vernissages, tout ce qui est art visuel. Donc, à 9h, on va parler de ça avec elle, gratin et vin gratuit. Sinon, il y a Tania Is Gonna Entertain You. Ta chronique à toi, Tania. Ben oui, Matt, est-ce que t'aimes l'Halloween? J'aime les bonbons. Ah, oh, sérieux? C'était pas la question que tu m'as posée, mais non. Oui. Non. Moi, l'Halloween, je dois avouer que c'est une des fêtes que j'aime le plus. Quand j'étais toute petite, ma mère pouvait passer des heures à nous préparer juste pour la soirée d'Halloween. Puis c'était vraiment quelque chose qu'on faisait en famille. Donc, c'est quand même toujours resté. Je pense que j'ai une passion pour l'Halloween et tout ce qui est costume d'Halloween et tout ça. Donc, cette semaine, je fais en fait un spécial Halloween. Toutes mes chroniques vont être par rapport à ça. Pourquoi tu t'es pas déguisée déjà dès lundi? Ben là, faut pas exagérer. Je sais pas, chacun ses fétiches. Mais l'Halloween, c'est samedi. Donc, je vous prépare tranquillement à une belle soirée d'Halloween ou une belle journée. Tout dépendant de l'âge que vous avez ou si jamais vous avez des enfants. Alors, l'émission s'adresse à un public averti. Ouais, c'est ça. Non, mais aujourd'hui, on va parler costume. Ça, je l'ai dit tout de suite. Génial. Donc, Tania is gonna entertain you tout à l'heure. Mais pour l'instant, on va aussi faire C'est un fait en passant. Dans quelques instants, ce sera justement ça. C'est un fait, mais avant, une petite chanson des Sœurs Boulay, Tania. Oui, c'est celle que Alexandrine nous a fait découvrir la semaine dernière dans sa chronique. Donc, on va aller écouter Andaman Islands. Tout de suite, à Assemblage Reiki. Et on se réveille tous en même temps. Oui. Bouche d'argent et jour rougis, j'aurais voulu plus jamais dormir dans mon lit. Des petits cailloux dans ton châssis, me laisserais-tu entrer pour ma dernière nuit? Je sais que t'es une bête sauvage, c'est tous tes amis qui me l'ont dit. Je parle pas tout à fait ton langage, moi j'ai peur des loups, puis j'ai pas d'amis. Montréal, c'est vrai que c'est pas la porte d'à côté. Mais ce que je voudrais le plus, c'est te ramener avec moi. Quand il fera beau, tu pourras même enlever tes souliers. Ce qu'on a vécu, nous deux, ça se prend take out. T'es meilleur à roche-papier, ciseaux. Puis pour faire des ronds de bouquins dans l'eau. Mais je veux plus gagner à tous les jeux. La guerre en amour, c'est pour les peureux. Ouh, ouh, ouh, ouh, ouh, ouh, ouh. je te ferai à croire que c'est le hasard qui a décidé. Montréal, c'est vrai que c'est pas la porte d'à côté, mais ce que je voudrais le plus, c'est te ramener avec moi. Quand il fera beau, tu pourras même enlever tes souliers. Ce qu'on a vécu nous deux, ça se prend tes gardes. Deux âmes qui se connaissent, c'est difficile à trouver. Si t'es comme les loups, c'est sûr que tu m'oublieras pas. Mais si la chance est mal commode, s'enfarge les pieds. T'étais beau, t'étais fin, pis bye. As-tu un petit frisson, quelque chose? Non, j'ai passé proche, échappé mon téléphone. Hip boy! Faut pas faire ça. Mais non. Non. Une belle petite chanson d'amour ce matin avec les sœurs Boulay. Oui, Endeavour Island à Assemblage Rookie. On est lundi. C'est semaine de relâche. Oui, pour oui. Plusieurs, ces la semaines plupart. De relâche. Ouais. Sauf nous. C'est ça, sauf nous. Nous, on continue et on n'arrêtera pas d'apprendre. On n'arrêtera pas le progrès, comme on dit. On n'a pas le choix. Voici, c'est un fait. Des choses que tu sais pas, des choses que je sais pas, c'est un fait. C'est un fait. Des choses que tu sais pas, des choses que je sais pas, c'est un fait. C'est un fait. C'est un fait, c'est la chronique des choses véritables et vérifiables. Oui, la semaine de relâche ne nous empêchera pas d'apprendre. Hein? Je pense que ce matin, j'avais la voix plus grave que toi en la chantant. Ah, je sais pas, ça dépend de la journée. Des fois, je l'ai fait plus grave, des fois, je l'ai fait moins. Non, mais dû à ma grippe. Oui, c'est ça, ton blâme ton rhume pour tout ce que tu fais de pas correct. C'est sûr. Ça peut en prendre, ça a le dos large. Oui. Il y a tellement de gens qui sont morts en faisant sonner les cloches d'église lors d'éclairs, lors de grosses tempêtes d'éclairs et de tonnerre. Ouais. Étant donné la croyance que ça allait enlever le tonnerre, que ça allait disperser le tonnerre, cette pratique-là a été bannie par le Parlement de Paris. Ça a tué trop de monde. On disait, il tonne dehors, va sonner à la cloche. Mais c'est quelque chose qui se faisait jusqu'à encore récemment, ça à Paris, peut. Non? Je sais pas. Ça a été banni un peu. Bell ringer. Ça a été banni, est-ce qu'on l'a ici? Au 20e siècle, oui, c'est ça. Non, quand même. Ouais. Bon, ça, c'est plus. Ça, c'est les gens qui faisaient sonner des cloches en tant que telles. C'est ça. Des Moyen-Âge. Au Moyen-Âge, on croyait que le son de la cloche allait disperser le tonnerre. Plusieurs ont été électrocutés. Donc, en France, entre 1753 et 1786, 103 sonneurs de cloches ont été tués pendant ces tonnerres-là parce qu'ils tenaient la grande corde. Le Parlement de Paris a renforcé, a amené une loi en 1786 pour empêcher cette pratique-là. Voilà. Il a continué d'avoir des morts jusqu'au début du 19e siècle, jusqu'à ce qu'on amène le paratonnerre. Voilà. Quand même. Intéressant. C'est intéressant, très. James Cameron utilisait un fusil à clous pour clouer les téléphones cellulaires de son équipe à un mur lorsqu'il y avait des sonneries impromptues pendant le tournage d'Avatar. Donc, lui disait « Ah, une sonnerie, donne-moi ton téléphone, puis elle est clouée au mur. » C'est agressif. C'est, ouais. Mais en même temps, j'imagine que ça a donné des leçons à bien des gens. Ouais, c'est ça. Au pire, là, mets-le sur vibration et non sur sonnerie. C'est ça. Quand tu tombes, quand tu as un blackout, lorsque tu bois, c'est parce que les effets de l'alcool, l'alcool affecte l'hippocampe. T'oublies rien, en fait, c'est que ton cerveau n'enregistre pas de nouveaux souvenirs. Attends, répète-moi ça. Lorsque tu as un blackout parce que tu bois, les effets de l'alcool vont sur l'hippocampe. Donc, t'oublies rien, c'est que ton cerveau n'enregistre pas de nouveaux souvenirs. Wow. Pendant que tu es un blackout. Mais qu'est-ce qu'un hippocampe dans le corps? C'est l'affaire dans ton cerveau qui régularise. Attends, on va aller voir. Hippocampe. Oui, je définition. Sais que c'est un animal marin aussi. Ben oui. Ça fait plein de choses, l'hippocampe. C'est vraiment comme un centre du cerveau. Donc, allons voir. Hippocampe. Ah oui! Charge-moi ça. OK. Une structure du cerveau des mammifères appartient notamment au système limbique et joue un rôle central dans la mémoire et la navigation spatiale. Chez l'homme et le primate, il se situe dans le lobe temporal médian, sous la surface du cortex, au-dessus de la cinquième circonvolution, le repli du cortex temporal. Comme le cortex avec lequel il est en étroite relation, c'est une structure paire, blablabla. Et Colin, il aurait pu diviser ça en plus de sous-catégories. Là. Ça mais fait tellement tout ça d'affaires. Pour dire que finalement, c'est ce qui garde. C'est la mémoire, c'est la navigation spatiale et c'est l'inhibition du comportement. Oh, donc ça joue pour beaucoup. C'est vraiment super important. Donc, faut pas blackout. Faut pas de blackout. Okay. Exactement. La neige fraîche absorbe le son. Ah. Ce qui baisse les bruits ambiants sur ton environnement, parce que l'air est pris entre les flocons de neige, ce qui atténue la vibration. Et c'est pour ça qu'il fait que c'est super silencieux dehors quand il neige. Huh. Quand il y a de la neige dehors, c'est parce que le bruit ambiant est pris entre les flocons de neige, ce qui atténue la vibration. Ça fait du sens. Ouais. Ça fait beaucoup de sens. Ouais. C'est ça, c'est pas nécessairement le son qui est pris, c'est plutôt l'air qui est pris entre les flocons de neige, si je comprends bien l'article. Peter Pan est le seul droit d'auteur au Royaume-Uni qui a reçu qui a été allongé en perpétuité, ce qui veut dire que le Great Ormond Street Hospital va recevoir des royalties, donc c'est l'argent qui est fait par rapport à tout ce qui est film sur Peter Pan et tout ce qui est des adaptations au théâtre, etc., etc. Donc tout ça pour toujours. On dit donc que c'est le copyright qui ne grandira jamais. Un peu comme Peter Pan. C'est cute. C'est bon. Mais c'est bien, cet argent-là va à l'hôpital pour les enfants, j'imagine? Exactement, c'est exactement ça. Donc ça, c'est correct. Ouais. Le colonel Sanders a déjà été un avocat à succès. Mais sa carrière légale s'est terminée quand il s'est chicané dans la cour avec un de ses clients. Ça va plutôt mal de ce côté-là. C'est ça. Puis il a parti une chaîne de poulet. Le four à bois d'une femme autrichienne... a explosé lorsqu'il a utilisé un morceau de bois qui avait poussé autour d'une grenade de la Deuxième Guerre mondiale. Donc il y avait une grenade prise dans le bois, dans son morceau de bois. Évidemment, c'est la grenade qui a explosé sur son four à bois en Autriche. C'est très anodin, par exemple. C'est très, très anodin, ça ne veut absolument rien dire. C'est un article de foxnews.com, d'ailleurs. Ross Rebagliati, le premier homme à avoir gagné l'or en snowboard en planche à neige aux Olympiques, a été disqualifié pour utilisation de marijuana. Maintenant, il est propriétaire d'une business de marijuana qui s'appelle Ross's Gold. Mais non. L'or de Ross. OK. C'est tourner le mal en bien, hein, je pense. Ouais, je pense que ouais. Il y a une pièce scellée à l'Université de la Géorgie aux États-Unis, scellée en 1940, qui devra être ouverte en 8113. Ça s'appelle la crypte de la civilisation. Ça contient un paquet d'artefacts, des livres, des articles de tous les jours communs, donc de 1940. Et ça va être ouvert en 8113. Là, ça, c'est une capsule temporelle très, très éloignée de nous. Ouais. On a déjà des capsules temporelles qui ont été ouvertes récemment et qui dataient des années pas mal plus récentes que ça. Et ça nous surprenait quand même. Donc, imaginez avec autant de temps entre les deux. Lubbock au Texas a été cotée comme la ville la plus ennuyante aux États-Unis avec 100 000 habitants ou plus. Donc des villes avec 100 000 habitants ou plus. Surtout à cause de ses mauvaises performances côté artistique, alimentaire, culinaire et musical. Donc c'est la ville la plus plate, Lubbock au Texas, L-U-B-B-O-C-K. Donc si jamais on veut s'emmerder en voyage, on va là. C'est ce qu'on veut ici, si on veut avoir la paix finalement. Ouais, c'est parce que t'auras pas à sortir des bars, y a rien à faire là-bas. C'était pas avant les années 1930 que les techniques de production se sont améliorées au point où le papier de toilette pouvait être, dans ses publicités, annoncé comme étant sans écharde. Jusqu'aux années 30, on pouvait pas dire ça. Donc à partir de là, on pouvait dire ça sur les emballages, sans écharde. Ah, t'imagines? Ça fait beaucoup. Oh, ça doit faire mal! Oui. Ouch. C'est pas les petits ours qui nous... ouais, non, c'est ça. Les petits ours, je pense pas qu'ils aiment ça, eux autres, non plus, les écharpes. Je pense pas. Pendant la dynastie de Ming en Chine, c'était les smallpox, c'est la varicelle, hein, je crois. Je crois que oui. Il me semble que oui. Donc, la varicelle, c'est ça. On va recommencer ça. On mettait on faisait de la poudre de varicelle. Okay. De comment t'appelles ça? De plaies de varicelle. Tu sais, quand t'avais une plaie. Ouais. Et on faisait entrer ça dans les nez des personnes riches. Les patients développaient donc un petit cas de varicelle. Et à partir de là, ils étaient immunisés à la varicelle. Et la technique avait un taux de mortalité de 0,5 à 2%, ce qui était beaucoup mieux que le 20 à 30% qu'on avait habituellement si on ne faisait pas ça. Mais c'est quand même très dégoûtant. En effet. Je vais aller voir pour être sûr de ce qu'on avance. Viens, je vais te mettre du... c'est la variole. Qui, je crois, n'est pas la même chose. Mais c'est semblable, si je me souviens bien. Semblable. Là, on pourrait chercher variole versus varicelle, mais là, je pense que ça va être compliqué. Non, Malgré le fait qu'ils avaient des preuves d'ADN par rapport au suspect, la police allemande ne pouvait pas poursuivre un voleur de 6,8 millions de dollars de bijoux parce que l'ADN appartenait à des jumeaux identiques et il n'y avait aucune preuve qui nous disait que c'était une des deux personnes que c'était Monsieur A ou Monsieur B, comme il n'y avait pas de preuves, ben c'était... Peut-être les deux. Ça aurait pu être les deux, mais en même temps, on pouvait pas emprisonner les deux. Donc, ils ont dû abandonner. C'est triste. Les chiens ont seulement récemment, et ça c'est vraiment intéressant de savoir, seulement récemment pu commencer à écouter la télé, Tania. Hein? Avec l'arrivée de la télé haute définition à cause du framerate plus élevé. Avant ça, avec les écrans CRT, les écrans cathodiques, c'était comme regarder une lumière, un stroboscope dans un disco, une disco. Je viens de comprendre pourquoi mon chien regarde toujours la télévision dans ce cas. Il y a une télé HD mm-hmm. à regarder, voilà. Ensuite, on a eu une nouvelle dans les médias par rapport à un ex-criminel qui avait changé sa vie de bord, qui était devenu une bonne personne. Cette nouvelle est apparue sur un site de nouvelles à Syracuse, dans l'état de New York, je crois. Donc, le concessionnaire de voitures avec qui il travaillait l'a immédiatement renvoyé. J'imagine qu'il était pas au courant. Que c'est un ancien détenu. Que c'est un ancien détenu. Qui avait viré sa vie de bord. C'est ça. Tu veux encourager ça, il me semble. Mais non, le gars l'a renvoyé. Ça, c'est vraiment perturbant. J'avais déjà lu cette nouvelle-là, mais ça a été confirmé que Best Buy avait un faux site à l'interne de son magasin qui ressemblait exactement à leur site web qu'on peut voir, qu'on peut visiter sur bestbuy.com, mais avec des prix plus élevés pour pouvoir vendre les prix plus élevés à leurs clients. Dans le magasin. Dans le magasin. Ça a été prouvé. Il y a un article de consumerist.com, un site que j'adore et que je trouve de confiance. Il y avait beaucoup de spéculations dans le passé à savoir si c'était pour vrai ou pas. C'était pour vrai. C'était vraiment... peut-être pas spécifiquement pour, comment dire, mentir au public, mais il y avait en effet des prix plus chers sur le web. Dans leur intranet chez Best Buy. C'est terrible. Terrible. En effet. Les personnes qui parlent deux langues ou plus changent de personnalité lorsqu'ils changent de langue. Je sais pas, tu parles en anglais quand t'animes à TV puis partout là, comme ça. Est-ce que tu crois que t'as une personnalité différente en anglais? Mais je pense que ça vient surtout avec l'assurance. Mm-hmm. Mais je suis pas en désaccord avec ce que tu dis. Bon. Mais j'essaie de réfléchir. Tu sais, ta personnalité est la même. Par contre, quand tu commences à parler une autre langue, selon ce que tu dis, tu sais, l'intonation de comment tu vas dire les choses sont différentes en français comme en anglais. Donc, oui, je suis quand même d'accord à 50% de ce que tu dis. OK, c'est bien. Parlant de langue, ça n'a absolument rien à voir, là, mais sur iOS 9, tu peux dorénavant dire la phrase « Dis Siri » à ton iPhone, il va se réveiller. Ah ouais? Je trouve tellement qu'en français, c'est laid. En anglais, c'est « Hey Siri ». Oui, c'est en français, mieux en anglais. « Dis Siri ». Ça fonctionne? Oh! Que puis-je faire pour vous? Et là, ça me tape « Que puis-je faire pour vous » sur un site. C'est super. Vive iOS 9. Ça écoute en tout temps, ça veut dire. C'est sûr. Ça veut dire que ton téléphone écoute vraiment tout le temps. Eh ouais. Les tribus, pas les tribus, mais les Amérindiens, voilà, qui manipulaient de jeunes arbres pour offrir des directions, des endroits où aller, vers des champs de bataille, vers des cimetières, vers d'autres endroits significatifs pour eux. Après des centaines d'années, on peut toujours trouver ces arbres-là qui sont formés de différentes façons. On appelle ça des trail trees, donc des arbres qui vous donnent le chemin. Donc c'est vraiment des arbres qui ont été manipulés quand ils étaient jeunes pour pousser dans un certain sens, dans une certaine direction. Donc on voit le tronc d'arbre qui commence normalement et ensuite vire par à droite avec un petit embout et après ça recontinue à grimper par en haut. Donc c'est spécial. C'est le petit embout qui va venir dire où aller. C'est les Cherokee, Cree, Creek, Choctaw et Oconee. Et plusieurs autres tribus. Donc, il y avait des trail trees, des trail marker trees, des aides à la navigation. On le trouve aux États-Unis, un petit peu partout au Canada. C'est bien. Ouais. En 1945, un groupe d'enfants d'une école soviétique a présenté à l'ambassadeur américain un sceau américain, un US Seal, comme geste d'amitié. OK, là, ils ont donné ça à l'ambassadeur américain comme geste d'amitié. Il a été suspendu dans son bureau pendant 7 ans. Avant qu'on découvre que ça contenait un appareil qui écoutait l'ambassadeur américain. Huh? C'était des jeunes enfants dans une école soviétique qui avaient donné ça. Tu t'attends pas à ça? Non. Mais ça enregistrait tout ce qui était dit dans ce bureau-là. Un terrain de golf à Brisbane est devenu infesté de requins après qu'une rivière, la rivière s'est comme déversée, ça a fait une inondation dans la place. Les requins étaient pris là jusqu'à ce que l'eau recule, mais maintenant ils sont restés là, les requins. Ils se sont même multipliés. Oh. Brisbane, c'est en Australie, il me semble bien. Brisbane. Wow, c'est en Australie, c'est clair. C'est en Australie? C'est la capitale et la ville la plus peuplée de l'état du Queensland en Australie. Ah, voilà. Mm-hmm. On continue avec une autre petite lignée. Je pense qu'on a encore du temps. Oui, avec une autre petite dizaine, tiens. Pourquoi pas. Commençons avec Chuck Feeney. Est-ce que tu connais Chuck Feeney? Non, mais je sens que tu vas me dire qui il est. J'ai l'impression que oui. C'est un ancien milliardaire, Chuck Feeney, qui a donné plus de 99% de ses 6,3 milliards de dollars pour aider les enfants dans le besoin à aller à l'université. Maintenant, il vaut moins de 2 millions de dollars. OK. Un petit pourcentage. Hein? C'est un de 130 milliardaires qui donnent de l'argent. Selon une liste de The Giving Pledge, c'est une promesse que plusieurs personnes riches ont faite. Une campagne, en fait, pour encourager les gens les plus riches au monde de s'engager, en fait, à donner la plupart de leur argent, de leur richesse à des causes philanthropiques. La campagne focus spécifiquement sur les milliardaires ou encore ceux qui seraient milliardaires si ce n'était pas de leur philanthropie, ceux qui ne donnaient pas d'argent. Mm-hmm. Avant leur don, ils seraient milliardaires. Donc, ça a été rendu public en 2010 par M. Warren Buffett et par Bill Gates. Est-ce que t'imagines le reçu d'impôts? Ah, oh boy. Pour voir ça comme ça, mais en effet. Tout à fait d'accord avec toi. Donc, The Giving Pledge, une campagne très intéressante. Allez voir ça sur assemblagerequis.com. Il y a un lien vers la page. Mais c'est très gentil. Wikipédia. Des gens comme ça, c'est rare. C'est rare. Des milliardaires, c'est rare déjà. Déjà. Et après ça, il faut trouver une portion de ces milliardaires-là qui donnent de l'argent. 99% de ton argent. Ouais. Mais tu sais, il te reste quand même 2 millions. Tu sais, 2 millions, hein? Why not? Il y a une petite ville au Minnesota nommée Dorsey qui va élire son maire en tirant un nom au hasard dans un chapeau pendant le Taste of Dorset Festival. Ils ont déjà eu un maire de 4 ans, âgé de 4 ans, nommé Bobby Tufts. Il ressemble au petit gars dans... comment est-ce que le film s'appelait? Tu sais, ils font une course de boîte à savon. en anglais, c'est... j'ai un blanc, il y a un chien dans ce film-là. Avec les petits garnements. Oui, ben oui, oui, tout à fait, oui. Il ressemble un peu à Richie Rich aussi. C'est oui. Le chapeau, je pense. Hein? Je pense que oui, mais il ressemble beaucoup au petit gars principal dans... Ben pas Alfalfa, l'autre, son meilleur ami, dans les petits garnements. Oui, oui, comment ça s'appelle? Les Little Rascals. Oui, Little Rascals. Voilà. Et voilà. Je l'avais juste en anglais, puis je cherchais. Mais tu l'as trouvé. Compte en commun, Johnny Depp, okay. Jude Law. Et Colin Farrell. De beaux acteurs. Ouais, c'est ça, j'en allais dire. Mais... Ils ont tous les trois donné leur salaire du film The Imaginarium of Dr. Parnassus en 2009 à la fille de Heath Ledger, Matilda, pour s'assurer qu'elle a un bon futur économiquement. C'était le dernier film de Heath Ledger avant sa mort. Je savais pour Johnny Depp, mais je savais pas pour Jude Law et Colin Farrell. Ouais, moi non plus, je savais pas qu'il avait fait ça. Ouais, c'est cool. Mais quand même, cette petite fille-là, oui, c'est vraiment triste, OK? Il faut pas prendre ce que je veux dire vraiment mal, là. Ouais. Mais elle est pas si dans le tort quand on sait qui est sa mère, là. C'est qui sa mère? C'est une autre actrice. Laquelle? Elle est blonde, elle a déjà joué avec Heath Ledger aussi. Mais qu'elle s'appelle Matilda Ledger ou Matilda, l'autre nom de famille, je pense qu'on est au courant, c'est qui? Elle avait 2 ans. Elle n'était pas sur le testament de son père, j'imagine, parce qu'il a fait son testament avant de savoir qu'elle allait mourir aussi jeune. Michelle qui a pas encore eu de fille. Williams. Michelle Williams. Peut-être qu'il n'avait pas encore sa fille quand il a fait son testament aussi, on sait pas. Peut-être. Connais-tu l'échelle... Pardon. Lundi matin. Connais-tu l'échelle de Bortle? Non. Non. C'est un système numérique à 9 niveaux qui mesure la luminosité du ciel à un endroit particulier. Donc, par exemple, le ciel de la ville est à 9, le ciel dans la banlieue est à 7 ou à 5, le ciel rural en campagne est à 3, etc. Donc, c'est une échelle de luminosité. Vous pouvez voir une petite photo de quoi ça a l'air, cette échelle-là, sur assemblagerequis.com. Mais c'est l'échelle de Bortle, B-O-R-T-L-E. Pendant la guerre du Vietnam, un prisonnier de guerre américain, Denton Jr., a été forcé à apparaître dans une conférence de presse télévisée, par les personnes qui le tenaient en otage. Il était incapable de parler librement, donc il s'est assis sans aucune émotion et n'arrêtait pas de cligner des yeux. Et en fait, on a appris que c'était du code Morse, ça appelait torture encore et encore. Oh. En code Morse. Incroyable, vous pouvez voir l'extrait vidéo sur assemblagerequis.com. Si vous voulez voir le gars... Épelé de torture en morse. C'était un prisonnier de la guerre du Vietnam. On reste en Asie. Tiens, une compagnie de construction japonaise a complété un design pour un gratte-ciel de 2,5 000 de haut qui peut accueillir jusqu'à 1 million de personnes. 2,5 000 étant évidemment 4,02336 km de haut. C'est le Exceed 4000, la plus grande bâtisse à avoir été imaginée. Donc, le design de la construction a été complété. Le design seulement, pas la bâtisse n'est pas complétée en tant que telle. C'est les plans qui sont terminés. Okay. Donc, l'idée à l'origine était de créer et développer par Peter Neville, On propose donc 4 km de hauteur, 6 km de largeur au niveau de l'eau et 800 étages qui pourraient accommoder entre 500 000 et 1 million d'habitants. La structure serait composée de plus de 3 millions de tonnes d'acier renforcé. C'est quelque chose. Mais tu sais, quand on crée des affaires comme ça dans l'eau, tu sais, comme là, la moitié serait dans l'eau. La moitié serait dans l'eau, en effet. Non, c'est des poutres qui seraient dans l'eau. Les poutres. Mais comment est-ce que tu fais poutres? Pour éliminer piliers. Les poutres? Les piliers. Ouais, je sais pas. Je connais pas ça. C'est pour t'assurer que c'est solide. Moi, ouais. Ça a toujours été ma question. C'est sûr. Même avec les ponts. J'avoue. C'est pour ça que je tripe pas tant sur les ponts dans mais la vie. Mais la plupart des ponts tiennent, mettons. La plupart. Tiennent pour un bout de temps. Tu sais, si t'envoies des hommes, tu bats. Là, t'es en train d'imiter quelqu'un qui nage dans l'eau. Tania, on n'est pas sur la construction, on n'est pas des ingénieurs. Hein? Mais fait que j'arrêterai d'en parler. Pose la question. Maintenant. Je peux pas t'y répondre. Répondez-moi sur Assemblage Reiki, la page Facebook. Je veux savoir comment on fait. C'est ça qui est le fun, c'est que t'es vraiment comme Bibi dans Bibi et Geneviève. T'es la fille curieuse de l'équipe qui veut tout savoir. Ouais, parce que à vous, ça t'est jamais passé dans l'esprit quand t'es passé sur un pont? Oui, en effet. Moi, à chaque fois que je pense sur un pont, ça me fait capoter. T'es peureuse autant que t'es curieuse aussi. Hein. Aussi. C'est rare que ça tombe des ponts. C'est rare, mais ça arrive. Ça arrive, oui. Mais tu sais, ça arrive aussi que des ascenseurs vont tomber parce que le câble... Hey, ça, j'aimerais ça être là. Et j'ai un fait là-dessus dans une prochaine chronique. Je crois pas que ce soit aujourd'hui, mais j'ai un fait là-dessus. Ça sent bien. Les chercheurs développent un verre de contact en graphène qui permet à la personne qui le porte de voir les rayons UV, oui, et la lumière infrarouge. Ces lentilles-là permettront aux soldats dans les zones de combat de voir les signatures de chaleur des gens. Et les docteurs pourraient surveiller le sang dans les corps de leurs patients. Donc, la circulation sanguine avec ces verres de contact. Mais est-ce que ça le... OK, ils sont en train de le développer. Ils sont en train de le développer, c'est ça. C'est cool. En 2010, un garçon de 3 ans nommé James Hyatt est en train de jouer avec les détecteurs de métal de son père pour la première fois. Une chance que c'était pas un gun. Hein? Une chance. Il a découvert un pendentif doré du 16e siècle qu'on estime avoir une valeur de 4 millions de dollars. Mais évidemment, il est mineur. Hein? T'es-tu pas content, moi, c'est sûr que ton fils ait joué avec tes bébelles, finalement? Ça reste la propriété de son père, je pense. Hein? C'est juste la face du petit gars sur la photo veut tout dire. Il est content. Et là, ça, c'était en 2010, donc il est rendu à l'âge de 8 ans. Dans 10 ans, il va peut-être avoir une partie de ça. Peut-être. On sait pas. Ensuite, Sarah Rector, une jeune fille noire d'origine afro-américaine, est devenue millionnaire, elle aussi, à l'âge de 11 ans, en 1913, lorsque le terrain qu'il avait reçu, qui lui avait été légué sous le Dawes Allotment Act, on en parlera tantôt, a produit ce qu'on appelle un gusher, on en parlera tantôt aussi, qui a donc produit 2500 barils d'huile par jour. Une fois que son identité est devenue publique, Rector a reçu plusieurs demandes de prêts, de dons en argent, même une demande en mariage de 4 Allemands, même s'il n'avait que 12 ans. Beaucoup d'attention a été donnée à Sarah dans la presse. En 1913, on a essayé de la déclarer blanche. Ouais, c'est ça, je voulais dire. Est-ce que tu as vu le titre? Oui, c'est ça. Le titre de l'article dans le journal était « Brown Skin Colored Girl Made White », donc une fille qui avait la peau brune transformée en blanche. Pour que ces millions de dollars puissent être... pour qu'à cause de ces millions de dollars, elle puisse se promener en classe, en première classe dans le train. Parce qu'elle pouvait pas évidemment prendre le train parce qu'elle était noire. Ouais. Donc, c'est ça. Elle faisait 15 000 $ par mois. C'est ça. À cause de cet acte-là. Je pensais que ça allait donner plus de détails sur l'acte en tant que tel. Mais malheureusement. Ouais. Le Dawes, on va chercher un petit peu. Dawes Allotment Act sur Wikipédia, juste pour le plaisir de la chose. Le Dawes Act est connu sous le nom également de General Allotment Act, une loi des États-Unis du 8 février 1887 réglementant la distribution des terres aux Amérindiens en territoire indien qui deviendra l'Oklahoma en 1907. Elle porte le nom du sénateur du Massachusetts, Henry L. Dawes, qui en fut le principal initiateur. La loi fut amendée en 1891 et en 1906 par le Burke Act et elle resta en application jusqu'en 1934. Bon. Et pour terminer, tu connais l'acteur Zach Galifianakis, on le connaît de The Hangover, entre autres, Lendemain de veille, celui avec la grosse barbe. Oui. Était un acteur qui avait des difficultés à percer. Il est devenu ami avec une femme âgée qui travaillait dans une laverie, un lavoir, une place où on fait son lavage, qu'il visitait régulièrement à Santa Monica en Californie. Donc, elle survivait sur les pourboires. Oui. On peut pas vraiment dire ça dans une laverie. Ouais, non, voir. Mais... Mais bon, des types, comme on l'appelle. Elle survivait là-dessus pendant 18 ans. Après avoir commencé à avoir du succès, M. Zach Galifianakis a découvert qu'elle était devenue sans-abri. Donc, immédiatement, il lui a trouvé un appartement, a payé son loyer et l'électricité. Il l'a amené à des premières de films. Et il y a des photos, d'ailleurs, d'elle aux premières de différents films avec Zach Galifianakis. Son nom, c'est Elizabeth Mimi Heist, H-A-I-S-T. Tu vois, ça, c'est gentil. Oui, c'est mignon. Il y a des gens qui sont encore gentils dans ce monde. Il n'a pas la tête enflée du tout. Non. Même si sa barbe avait enflé, je pense. À quelques reprises pour le film. Ouais. Je manque de voix comme toi en ce moment. Je sais pas ce qui m'arrive. Peut-être un rhume, peut-être qu'on se transmet quelque chose. Peut-être. Mais peut-être. Il faisait froid le soir du spectacle. C'est vrai. Et, il mouillait. Et je porte un minuscule coupe-vent qui n'est vraiment pas approprié à la météo en ce moment. On prend une pause, on revient avec David Ferron plus tard et sa chronique, sa carte bleachée en fait. Ça vient juste après la pause, ça. Assemblage Reiki est présenté en collaboration avec l'AGE UQTR. On est lundi 26 octobre 2015, elle est Tania Baudin. Avec Mathieu Plante. Vous êtes toujours à Assemblage Reiki. Dans quelques instants, David Ferron et sa carte bleachée. Oui. Mais avant ça, on a le temps pour une chanson, enfin. Ben oui. Hey, on se le fait dire souvent, mais on aime ça quand même, faire jouer de la musique. Une fois de temps en temps. Une fois de temps en temps. On préfère parler. C'est ça. Donc ce matin, on va aller écouter Thieves du band, en fait, The Fratellis. Assemblage Reiki, au 81 FM. Just jump on any old way. No one ever told her that the world was on the scale. Beef par The Fratellis à Assemblage Rookie. On aime ça. Ah, c'est tellement bon, c'est tellement divertissant, mais c'est-tu ce qui est divertissant aussi? Je te répondrai Tania Baudin. Ah. Et Tania is gonna entertain ya. Oh, stop it, stop it. C'était une petite Tania qui voulait être pour des médias. Fait qu'elle est allée à l'école et puis maintenant elle décolle, c'est Tania. And she's gonna entertain ya. C'est Tania. Bon matin! Ça va? Ben oui, toi! Oui, toujours une chronique différente à chaque jour. C'est une chronique quotidienne. On n'a pas du tout à Assemblage Requis sur celle-là. C'est la seule. C'est la seule, la c'est la spéciale, seule. La spéciale, oui. Oui, puis cette semaine, comme je l'ai dit en début d'émission, eh bien, c'est un spécial Halloween. Mmh. Donc cette semaine, pour ceux qui viennent juste de joindre nous là, en buvant votre café, bien, cette semaine, ça va être que des chroniques sur l'Halloween. Et j'ai décidé de commencer ça le lundi avec, je crois, comment je pourrais dire, un must, un incontournable. Ouais. On n'a pas vraiment le choix d'en avoir un quand c'est l'Halloween. OK, c'est requis. C'est, ouais, c'est pas mal requis. Comme assemblage requis, mais... Comme assemblage requis, mettons, c'est les le Kennycorn! Ah, je sais, c'est le Kennycorn. Oui, mais non, avant même les bonbons, avant même les décorations, c'est le costume, parce que peu importe ce qu'on va faire à l'Halloween, que ce soit un party, qu'on aille passer l'Halloween, je ne sais pas si certains ont des enfants ou si... Certains aident des enfants. Certains aident des enfants, si on a des petites sœurs, des petits frères aussi. Même si on donne des bonbons. Oui. Le trip à l'Halloween, c'est de se déguiser, c'est selon ça, tu moi. Tu ne peux pas donner ton, tes bonbons à bien un homme d'affaires, à moins que tu sois en costume. Ah ouais, à moins que tu sois James Bond. C'est ça. Ou quelqu'un en admin. Aussi. Aussi. Aussi. Donc, ce matin, en fait, je vous présente trois catégories. Donc, on a les idées de costumes pour groupe de filles, les idées de costumes pour groupe de gars et évidemment quelques idées de costumes individuelles. Et je vais aussi vous présenter quelqu'un qui fait pas mal jaser. Donc, pour les groupes, c'est pas très, très compliqué, hein. Si on cherche sur Internet moyennement, eh bien, c'est certain qu'on va déjà avoir beaucoup, beaucoup d'idées. J'en ai ressorti quelques-unes que je trouvais quand même très intéressantes à aborder. Donc, pour les filles, eh bien, cette année, c'est le 10e anniversaire du fameux film Méchantes ados, qui, en anglais, on appelle Mean Girls. Ouais. Donc, évidemment, c'est un très bon costume de groupe si on est minimum 4. C'est vrai. De recréer justement ce genre est-ce de film culte. Est-ce qu'il faut tirer la courte paire pour savoir qui va être Lindsay Lohan? Ben, j'imagine qu'au sein d'un groupe, soit qu'on fait un tirage au sort ou on fait un consensus. Ouais. On s'en vient à dire, OK, ben moi, j'aimerais ça être elle, moi, j'aimerais ça être elle, j'aimerais ça être elle. Moi, je dois avouer qu'à plusieurs reprises, mes amis et moi, on a tenté de faire des costumes de groupe, mais finalement, ça n'a jamais vraiment fonctionné. Les Spice Girls. Ben, à ta minute. Okay. Donc ça, c'est mon idée numéro 1. Évidemment, comme je l'ai dit, c'est le 10e anniversaire du film, donc ça fait quand même cette année, ça pourrait faire jaser. Là. Ouais. Si vous, c'est un film qui avait marqué votre enfance quand même ou votre adolescence, eh bien, Méchantes ados, pensez-y les filles, pensez-y. Ouais. Deuxième point, eh bien, je pense qu'ils ont encore la cote cette année. C'est comme un incontournable. C'est les Minions. Non, parle-moi pas de ça. T'aimes pas les Minions? Ben, j'aimais les Minions jusqu'à temps que les gens commencent à poster des phrases qui n'ont aucun rapport avec les Minions, avec la face des Minions à chaque 2 secondes sur Facebook. Il y a comme un abus. Oui, il y a un abus. Fait que ça m'a comme tanné. Mais moi, je les aime, les Minions. Je les trouve à la base, cute. Oui. Donc, c'est l'abus qui me dérange. Cette idée-là de costume pourrait être fait seul, oui. Mais c'est bien plus cool si vous arrivez à 6 minions dans un party. J'avoue. On va se l'avouer. Puis ils s'appellent tous genre Bob Gaétan. Puis, ouais, si vous arrivez tous avec une banane, là, c'est malade. Ouais. Donc, pensez-y, OK? Il y a aussi l'idée du costume de groupe de la fameuse émission Pretty Little Liars. Ah oui, les menteuses. Oui, les petites menteuses, je pense. En français, c'est les menteuses. Ouais. Ouais. Qui revient beaucoup, beaucoup sur Internet. Donc, c'est une idée de costume qui est très populaire ces temps-ci. On en est, je pense, rendu à la quoi, 8e saison? Ouais, genre. Mais comment tu peux te déguiser en les menteuses si c'est juste des filles normales? Ben, je me demandais aussi à savoir comment est-ce que tu peux décider de te déguiser comme ça parce que, comme tu le dis, ils sont habillés comme n'importe c'est qui. Ça. Ou mais tu fais peut-être chut, ben comme dans l'intro. Surtout de recréer les personnages de l'intro, donc avec le la cercueil. Terre. Oui, oui, oui. Allison peut être là vu que maintenant, on sait c'est qui, je sais. J'ai vu le spoiler. Ah, elle est revenue. Ah. Elle est pas morte. Ah. Je suis désolée. En français, je pense qu'on est en arrière. Oh, ouais, c'est ah. ça. Donc, vous faites soit être 4 ou bien 5 si jamais vous décidez d'inclure la fille qui, en début de saison, était morte, mais là, elle est revenue. Spoiler alert! Aïe! Donc, oui, c'est surtout de recréer, comme on le disait, l'idée du générique de l'émission où que les filles sont recouvertes de terre et qui ont l'air pas mal mesquines. Ouais. Puis elles sont toutes habillées en noir, comme à des funérailles. Donc, c'est l'idée principale. J'imagine que tout le monde doit marcher en file l'une à côté de l'autre avec le cercueil attaché à leur taille pour que le cercueil avance en même temps qu'eux. Ça serait quand même une bonne idée, ça. Si quelqu'un réussit ça, je veux voir ça. Moi aussi. Mais c'est pas pire parce que tu peux utiliser le cercueil pour déposer tes verres dans le party. La quatrième idée de costume de groupe pour filles, c'est Gossip Girl. Bah, tout dans oui. les séries télé aujourd'hui. Ça aussi, ça est revenu beaucoup parce que j'ai quand même visité plusieurs sites internet pour les costumes de groupe. Parce que je dois avouer qu'à part les classiques, le super-héros, puis tout ça, les classiques Disney aussi, je voulais quelque chose d'un petit peu différent et ça dit... Ce qui est très intéressant, surtout, parce qu'on s'entend dans Gossip Girl, il y a quoi? Il y a comme deux filles principales. Je connais moins celle-là. Donc, si on inclut les gars, eh bien là, on peut vraiment avoir toute la bande de Gossip Girl. Donc, c'est une idée de groupe qui est très faisable juste avec des filles. Mais si jamais les filles ont des chums, ou des amis, vous pouvez très bien inclure les gars en les déguisant, soit en Nate, Chuck... C'est tous des gars normaux, Dan. Les filles normaux. Qu'est-ce que tu fais pour que ça a l'air de Gossip Girl? Faut qu'il y ait une blogueuse, genre, quelque chose? Masquée? Blah. Ben, il pourrait y en avoir une. Oui. Ça pourrait être une idée. Un faux laptop avec ouais. un masque. Sinon, bien, c'est vraiment d'y aller avec des choses qui vont vraiment ressortir des personnages principaux. Tu sais, exemple, Serena dans Gossip Girl, bien, elle a une longue tignasse blonde. Elle est toujours très bien habillée. Mm. L'autre, elle a toujours une passe dans les cheveux. Elle est toujours très, très pin-up. Tu sais, ce genre d'idée-là. Allez-y avec les classiques que vous reconnaissez de l'émission. Et dans ce temps-là, les costumes vont être beaucoup plus faisables à faire. Ouais. J'ai l'impression que c'est le genre de costume que tout le monde va demander, c'est supposé être quoi? Peut-être. Ouais. Peut-être. Ouais. Tu sais, si vous n'êtes pas tout le temps ensemble durant la soirée, c'est sûr qu'il y a une possibilité. C'est moins reconnaissable qu'un Minions, c'est là, ça. On s'entend. Peut-être que si tu prends une série plus vieille, avec les coupes de cheveux différentes, mettons, tu veux te déguiser en Friends, puis là, t'as le Rachel avec la coupe de cheveux spéciale. Ben, sur Internet, on a trouvé Clueless aussi, parce que je l'ai dit pas ce matin, mais c'est quand même le 20e anniversaire cette année de l'émission Clueless. I'm so old. Et, ben, moi, j'écoutais ça aussi, et non, c'est non, quand même... Toi, tu parles de la série télé. Ça, c'est bien après le film. Le film est bien plus vieux que ça. Oui. Le film, c'est 20 ans, je pense. Mais j'ai vu le film aussi. C'est parce que si tu suivais la série, tu suivais pas Clueless. Là. C'est pas ça, Clueless. Là. Clueless, c'est le film. Oui, le film. Okay. Donc, la dernière année pour les groupes de filles, eh bien, tu en as un petit peu parlé tout à l'heure, c'est les Spice Girls. Ben ouais. Ça se démodera jamais, ça. Non, ils ont jamais arrêté d'être cool, ces filles-là, donc on peut pas les démoder. Ouais. On peut pas dire, cette année... Je me déguise pas en Spice Girls. C'est fini. C'est fini. Et en plus, à la place, c'est elles les S Club 7. C'est ça. Elles font encore parler d'elles. Ouais. Tu sais, on a entendu parler de le pas long. Ça se peut qu'ils repartent en tournée, donc... Ah, oh, mais la nostalgie tout le temps. Faut tout le temps tout ramener. Ouais, mais tu sais, tout à l'heure, on parlait que se déguiser en Gossip Girl, c'est un petit peu plus difficile de savoir avec c'est qui trop on est décidé. Ouais. Déguiser, eh bien là, si on y va avec les Spice Girls... Ça fonctionne. Ça? Ouais. C'est un classique. Immanquable. C'est immanquable, comme tu le dis. Ouais. Puis oui, évidemment, c'est faisable si t'es toute seule, mais c'est encore mieux si vous êtes en groupe, donc c'est l'idée de groupe. Puis, tu sais, ça reste plus original, même si les Spice Girls, que, mettons, sûrement Retour vers le futur. Tout le monde va se déguiser en Retour vers le futur. Oui. C'est sûr, il y a plein d'affaires comme ça que c'est trop facile. Exactement. Déguise-toi pas en Joël Legendre. Come on. On y va pour les idées de groupe de gars. OK. Ça va finir par les Backstreet Boys, hein? Hey, ça commence par les Backstreet Boys. Fallait les faire back-to-back, j'aime ça. Parce qu'ils reviennent lentement, mais sûrement. Backstreet Boys. Eux aussi, ils pensent à refaire une tournée avec les Spice Girls. Si en plus, vous êtes une bande de filles et de gars qui se tiennent tout le temps ensemble, parfait, si là. Si vous êtes des amis, si vous êtes trop de membres, mettons que vous êtes 7 filles, ben, inventez-vous des nouvelles Spice Girls. Ben oui. Ou déguisez-vous en Backstreet Boys la moitié des filles. Ben, c'est ça. Tu sais, c'est pas compliqué, là. C'est super facile à faire. Puis eux aussi, là, c'est sûr que tout le monde va savoir c'est qui. Ouais. Pas sûr. Sûr. Tu sais, toutes les kits. De cheveux encore. Ben, le kit en jeans, là, ben oui. Dans un des vidéos, il était tout habillé de jeans, ces gars-là. Tellement. Allons-y pour ça, la sinon, petite champignon. Allez-y avec, c'était quoi l'autre? Pas dans les 8 degrees, l'autre, là. Pas Backstreet Boys, l'autre, là. NSYNC. NSYNC. Avec des petits frosted tips à la Justin Timberlake. Ben oui. Des petits frosted tips. Blablabla. Il va faire des céréales, frosted tips. Ben ouais. Évidemment. Des délicieuses frosted tips. Apparemment, sur plusieurs sites internet que j'ai visités, One Direction serait une bonne idée de déguisement de groupe. Ouais. Par contre, pour certains, ça serait pas vraiment se déguiser, ça serait juste d'y aller à votre guise. À être soi-même. Ouais, ouais, c'est ça, parce que tu sais, les cheveux longs, c'était à la mode chez les gars, ouais. Avec Harry Styles déjà. Ouais. C'est peut-être y aller avec une idée de costume qu'ils ont dans un de leurs vidéos. C'est peut-être quelque une chose idée. Du genre, ouais. Moi, je dirais que j'adhère pas vraiment à l'idée One Direction. Justin Bieber, peut-être. Pas plus, mais... Pour les filles, bien sûr. Ça revient à quoi, de se déguiser à Justin Bieber? C'est comme les gars qui se déguisaient en rapper dans le temps? Non, non, je pense que c'est genre faire son fendant. Avec, OK. Ah, ouais. Ouais, okay, peut-être. Avec les cheveux, là, puis en torse, en bobette Calvin Klein. Ouais, mais Justin Bieber, tu peux pas le faire en groupe. Non, c'est ça. Là, on parle des groupes de gars. T'as raison. Je suis pas la règle. Évidemment, eh bien, si on parle super-héros, c'est indétrônable. Ça fait toujours partie d'un groupe. On peut faire tous les personnages de Batman si Dieu nous en charme. Ouais. Alors, pour les gars, c'est vraiment facile, en fait, de se déguiser en super-héros. Puis c'est jamais très, très compliqué. Ouais. Donc, c'est un classique, ça aussi. Puis la plupart du temps, si vous êtes déguisé en super-héros, messieurs, je tiens à vous le dire, les filles vont aimer ça. Ouais, même ouais. Si c'est un costume acheté tout fait. Même si c'est un costume acheté tout fait. Okay. Qui a jamais rêvé de se faire sauver par Batman à la fin de la veillée? Ben, je te connais pas tant que ça. Non, mais je parle pas en connaissance de cause. Mais tu sais, je dis ça comme ça. Alors, avec le contrôle du début de saison, avec le pouvoir qu'ils ont présentement au Québec, je pense que l'équation logique serait aussi de se déguiser en joueur des Canadiens. Ah, ben oui. Donc là, si messieurs, on veut vraiment faire une attaque, oh, hey boy. Eh bien, on y va avec on y va avec un déguisement des joueurs des Canadiens, ce qui serait une très bonne idée à vous, là, c'est surtout sûr, là, ouais, ça fait 9 en 9 qui gagne, OK? Ouais, on m'a dit ça. Donc, on continue dans cette lignée-là. Et évidemment, ben, tout ce qui est sportif, tu sais, c'est rare qu'on va voir une équipe de filles au football, donc si jamais vous êtes plus sportif, vous savez pas trop en quoi vous déguiser, mais vous êtes une gang de gars. Tu sais, hockey, baseball, football, comme je disais. Allez-y pour une gang de gars qui jouent au golf. Oui, ben oui. En fille, ça pourrait être des cheerleaders. Ben oui, aussi. Tu sais, c'est le genre de classique qui reviennent, mais c'est indétrônable pour les gars. Et je dois avouer qu'il y a beaucoup plus d'idées de costumes quand t'es une fille que quand t'es un gars. Ouais. Tu sais, on peut pas passer à côté. Mais ça va toujours, comme on l'a souvent dit, cheerleader sexy. Oui. Ben oui. Mais non, mais là, j'y arrive. Ouais. Parce que pour ceux qui sont un petit peu plus individualistes dans leur idée de costume, ben, il faut savoir que tout ce qui est bande dessinée, ces temps-ci, c'est très, très à la mode. Tout ce qui est bande dessinée, mais fait avec maquillage. C'est comme style comic book ou que là, tu vas vraiment maquiller à la façon... points, là. C'est ça, bande dessinée. Ça, c'est très, très 2015, là. C'est à la cul, là. Tout ce qui est dégueulasse aussi, là, très dégoulinant de sang, de pu, de morsure. C'est super facile à trouver sur Internet, super facile à faire aussi. La plupart du temps, ça va juste prendre du latex avec des essuie-tout, puis on peut vraiment créer de très belles affaires. Je vous invite à aller faire un tour sur Internet, surtout sur YouTube, parce que c'est là qu'on va voir les vidéos que ça se fait. Les filles, là, j'y arrive. Tout ce qui est super sexy, là. Je pense qu'à un moment donné, là, tu pognes ta cote puis tu te dis que c'est out. Hein. Ouais, OK. Ben, je sais pas. J'aime ça, moi. Oui, mais tu sais, c'est encore plus cool si, mettons, tu fais une G-leader qui est à moitié décapitée, là, oui, ou ben à oui, moitié ben oui. Arrachée de la face. Je sais pas, tu sais, il faut se l'avouer, là, le temps est venu de faire peur. On pense un petit peu moins à vendre son corps. Ben, justement, tu sais, mettons, là, juste une fille qui se déguiserait avec juste, genre, un énorme, genre, bouton pustulaire dans le front, mettons, là. Ça serait marrant. Juste ça. Puis là, les gars passent, puis là, la regardent, c'est « Oh, salut, madame. Oui. » Mais ils savent pas que c'est un costume d'Halloween. Ça pourrait être drôle, ça. Tu sais, tout à l'heure, je disais comic book, les zombies, c'est encore à la mode, les vampires, les robots, ça a l'air d'avoir vraiment gros la cote du côté féminin, mais je l'ai dit encore, faut vraiment miser sur le maquillage parce que c'est ce qui fait beaucoup jaser là, ces temps-ci et de faire nos costumes nous-mêmes aussi. Moi, j'aime beaucoup ça. La plupart du temps, je vais toujours faire mon costume moi-même. Donc... allez-y, là, tu sais, comme soyez inventifs dans tout ce que vous allez trouver. Côté individuel, évidemment, on se souvient de Game of Thrones, c'est toujours à la mode. Ah, oui. Alors mais, ça va faire des jaloux, les Kelly, ici. Ben, c'est sûr. Mais là, l'émission Teen Wolf, est-ce que tu connais? Oui, sur MTV. Parce que c'était quand même, tu sais, c'est basé sur un vieux film. Un film avec Michael J. Fox, oui. Et voilà. Mais c'est une émission aussi, mais ça fait beaucoup parler. Donc, beaucoup de loups-garous. Tout ce qui est égyptien, ça semble aussi faire un buzz. Moi, je vais être déguisée en Cléopâtre. Donc, déjà en partant, tu sais, ça me donne une idée. Il y a plusieurs personnes aussi qui parlent de liseuse de Bonaventure, de déesse, de pharaon. Mais là, je tiens à vous dire, je pense que l'équation aussi cette année, c'est de miser sur les verres de contact. Ah oui. Tu sais, si vous voulez vraiment faire peur, là, tout ce qui est loup-garou, tout ce qui est zombie ces temps-ci, si jamais vous cherchez sur Internet, vous allez voir. C'est quelque chose qui ajoute au déguisement. Tu peux être habillé de noir, tout simplement, avoir un maquillage vraiment débile, puis des verres de contact qui vont faire peur, comme ça, pas de bon sens. C'est ça qui est cool, moi, je trouve, à l'Halloween. Et si jamais, comme je disais, vous cherchez quelques idées de maquillage ou d'effets spéciaux, eh bien, je vous invite à aller chercher sur YouTube Alex Faction, qui est un gars qui a décidé de faire une série de 31 vidéos sous le thème de l'Halloween. Donc, ça s'appelle 31 Days of Halloween. Ha, ha, ha, très... descriptif, non? C'est ça. Mais il fait tous des maquillages différents. C'est un gars. Par contre, c'est très, très... on peut très bien l'adapter à la fille, si jamais vous voulez. Et c'est pour les gars comme les filles. Donc, si jamais vous êtes en manque d'inspiration, je vous invite à aller faire un tour sur sa page YouTube. Et juste même si vous êtes curieux d'aller voir ça, allez-y, parce que c'est un gars avec vraiment beaucoup de talent. Mais c'est vraiment facile à recréer aussi. Donc, si jamais ça vous tente, super facile. Génial. Et bien, je me suis dit que pour l'Halloween cette semaine, j'allais quand même essayer d'avoir des chansons, des pièces musicales qui sont quand même à thème ou qui font peur ou qui sont juste comme dans le thème de l'Halloween, de l'horreur. Donc, on va aller écouter Pretty Reckless avec Going to Hell. Assemblage requis. I'm not afraid to die. Going to Hell de The Pretty Reckless. C'est un band. Ben, un band, ouais. Peux-tu dire un band? Oui. Oui. Parce que oui. C'est un band. C'est un band. On peut donc le dire. Qu'on aime. Oui. Oui. Ben, c'est la fille principale qu'on aime, Taylor Momsen. On aime le ton de sa voix quand elle chante. Voilà. Et elle est accompagnée de band. Oui. Tu nous parles donc d'Halloween chaque jour cette semaine dans Tania is Gonna Entertain You, la chronique quotidienne d'Assemblage Requis. Merci, Tania Baudin. Mais ça fait plaisir. Yeah. Au retour, David Ferron et sa carte bleachée. Restez là. Assemblage Requis est présenté en collaboration avec l'AGE UQTR. Bonjour, c'est toujours Assemblage Requis. On est lundi 26 octobre 2015. Tania Baudin. Avec Mathieu Plante. Oui. On n'est pas très très Halloween dans nos thèmes. Non, mais c'est pas grave. Faudrait faire une version Halloween de ta chanson de Tania. Oh, c'est game de faire ça. Si j'y pense, tu me le rappelleras. tiens, un qui fait peur dans la vie, c'est bien David Ferron. Ah, oh, excuse-moi, c'est pas vrai. C'est parce que les cheveux un petit peu dans les airs aujourd'hui, il a l'air d'un savant fou. Je voulais, en fait, je pensais à Tania, puis je vais ressembler à Justin Bieber. Ah, voilà. Ah, c'est ça l'affaire, c'est pareil, pareil. Hein, mais c'est... qui a dit que Justin Bieber, moi, je l'aimais? Ah, on peut t'inventer n'importe quelle personnalité, tu acceptes tout. Parce que je t'ai dit de toujours répondre ah, oui à mes vrai. Questions. T'as bien raison. C'est ça. Oui, donc, le savant fou de la place, c'est David Ferron. Voici la carte bleachée. Je t'ai quitté ici. Ah oui, David Ferron, bonjour! Allô? Ça va bien? Oui, vous deux? Oui. Ben oui. Yay! Tu prends une voix grave et ensuite une voix aiguë. C'est pour montrer tes extrêmes de schizophrénie. A-E-I-O-U. Ouais. Voilà. Tantôt, il se traitait lui-même de schizophrène. Moi, je dirais schizophérone. Oh! C'est un schizophérone. Oh, ça, c'est une maladie que personne ne pourrait expliquer, même pas moi-même. Je ne comprends pas. C'est ça. Et pour guérir, si on est atteint de schizophéronie, il faudrait qu'on soit un petit peu inséré par David Ferron pour en avoir une petite dose. Pour après s'être immunisé, mais c'est bizarre. Hein. Ouais, c'est vraiment bizarre. On laisse faire ça. C'est pour ça que je fais une chronique, c'est comme une procuration. Ah, voilà, c'est ça. Ouais, exactement. Donc, David Ferron, la carte bleachée, premièrement, pour ceux qui n'ont pas suivi l'émission, qu'est-ce que c'est? Oui, en fait, parce que ça fait un mois que je n'étais pas venu. Ben, en fait, oui, je viens, mais pour une autre émission que je pourrais peut-être parler tout à l'heure si on a le temps, mais. Est-ce que tu parles de palmarès du monde? Oui! Ça me dit rien. On en parlera à la fin de la chronique. Excellent. Je vais te faire découvrir une émission que j'anime depuis 3 ans. Génial, ça c'est absolument rien. On voit que Mathieu écoute les pas. Oui. Donc, carte bleachée, pourquoi? Parce que carte blanche, ça veut dire qu'on permet à quelqu'un de faire tout ce qu'il veut avec une carte blanche. Toi, là, c'est toi, ça. Oui, ben en général, quand on dit carte blanche à quelqu'un, ben, carte blanche, ça veut dire que la personne fait tout ce qu'elle veut. OK. Puis là, carte bleachée, c'est comme parce que blanc, ça fait propre, ça fait poli. Tandis que bleachée, ça fait abrasif. Oui. Mm-hmm. Donc, c'est je fais ce que je veux de manière pas nécessairement méchante. Ben, mais... de manière récurrente, si on veut, tu sais. Oui, ça récure. À chaque mois, à date, ouais, c'est ça. Au moins, je suis constant dans mon récurrence. C'est ça, mais t'es pas le seul. Il y a Marie-Laurence aussi qui nous fait ça. Aussi, des chroniques aussi. Mensuelles, c'est nouveau cette année. Oui, ben c'est ça. Comme on est des doyens et chroniqueurs, on se donne droit. Des... On est comme... On se donne le droit d'être des gens d'honneur. Tu sais, on n'est pas là souvent, mais quand on est là, ben on est cool. C'est ça, on vous savoure. On a envie de vous licher. Ben oui! Bon. Ben, vas-y, Mathieu. Non, mais pour une carte bleachée, une carte, c'est comme une carte postale, faut-tu mettre un thème, faut-tu licher? Oui. Bref, de quoi est-ce qu'on parle aujourd'hui, David Ferron? Ben d'abord, de deux choses, comme d'habitude. Je fais une partie schizophrénique et suivie de 3 chansons. Avant de présenter les 3 chansons, ben, en fait, Gustave, pour ceux qui ne savent pas c'est qui, Gustave. Gustave. Oui, Gustave de la fenêtre. Ah, oui, j'avais eu un blackout, j'ai essayé d'oublier ça, je pense. Oui, Gustave de la fenêtre. Oui. Rappelle-nous pourquoi il s'appelle Gustave de la fenêtre, déjà. Parce que c'est le seul au monde qui aime tellement les Windows Mobile qui s'est dit par solidarité, je vais appeler Gustave de la fenêtre. Il n'est pas Android, il n'est pas iPhone, il n'est pas BlackBerry, il est Windows Phone. Ouais. Ah, okay. Connais-tu ça, Windows Phone? Non. Ben, c'est pour ça. Il n'y a personne qui l'utilise. C'est pour ça que Gustave existe, justement, pour démocratiser le Windows Phone. Voilà. Avec grand succès, d'ailleurs. Ouais. Et lui, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce qu'on connaît de Gustave? Ben là, finalement, Gustave a décidé d'être reporter. Reporter, OK, parce qu'il a déjà été plein d'affaires. Mais, reporter, en ce moment, on va juste s'en tenir à ça. Oh, oui, exactement. Et là, il a fait un reportage sur les animaux qui souffrent de schizophrénie. Oh, wow. Et ça existe? Oui. Ça a l'air que Gustave a passé toute la nuit à faire le montage de son reportage. Il appelle ça de la schizophrénie. Une marmotte. Oui, c'est ça. C'est attendrissant. Donc, Gustave, est-ce qu'il est là, Gustave? Gustave, est-ce que tu es là? Bonjour, bonjour. Oui, Gustave, comment ça va? Ben, très bien, merci, vous? Oui, très bien. Et là, tu n'es pas en studio avec nous aujourd'hui. Non, paraîtrait que la très fine fleur Tania serait dans le studio, cette chère dame. Oui. Bonjour. Bonjour, bonjour. Alors, je sais que tu n'es pas là physiquement, mais dans mon cœur, il grandit. Tania, le cœur. Oh. Merci, Tania, d'exister. Ça fait plaisir, Gustave. Gustave tombe un peu toujours en amour de mes co-animatrices, hein? Ouais, je le sais, c'est problématique. J'ai tombé en amour avec Jean-Philippe Charbonneau, pourtant. Oh! Pas encore, ben c'est Marie Melon, mais elle s'est faite assez flusher par toi et Jean-Philippe. C'est donc, ça, on y reviendra peut-être à Marie Melon, hein? Pour l'instant, Gustave, donc là, il est tombé en amour avec notre amie Tania. Oui, exactement, mais Gustave, c'est pas pour ça que tu es avec nous au téléphone. Non, c'est pour mon reportage sur la schizophrénie animale. Ah oui, comment ça? Eh bien, j'ai interviewé Théo, le zèbre schizophrène. Oh, wow, un troisième personnage. Alors, voici le témoignage de Théo, le zèbre schizophrène. Wouf, wouf, miaou! Ah, miaou! Alors, c'était tellement poignant. Regarde, c'est tellement poignant. Regarde, it's life is a fucking piece of shit. Ça se voit dans son visage. Oui, merci, Gustave. Et là, Gustave, la semaine prochaine, je crois que tu vas faire un reportage sur l'obésité chez les cure-dents. Oui, car quand on a la dent sucrée, eh bien, ça fait des cure-dents obèses. Alors, merci. Ah, qu'est-ce que je vois? Je vois Gustave et Théo. Oui, Gustave et Théo, le zèbre. Et est-ce que donc Théo, le zèbre, va devenir un personnage récurrent? Oh! Est-ce qu'il va devenir un personnage récurrent comme Gustave? Devenir, je sais pas, attends un peu. Oh non! Pas le zèbre! Pas Théo! Non, ça a l'air que non, il sera pas un personnage récurrent. Désolé. Bah, misère, est-ce qu'on vient de tirer le zèbre? Je pense qu'on a tiré le zèbre. Moi, je pensais qu'il allait avoir un petit développement, une petite tension entre Gustave et le zèbre, mais finalement... Il y a rien eu de ça. Ben, il y a peut-être eu de quoi avant, mais Théo n'aura pas d'enfant de Gustave. Oh boy. Alors, Gustave est pas content, et là, toi, espèce de motherfucker, allez. Ah, il est pas content, Gustave, on a un problème à régler. Oh non, pas encore. Oh non, tire pas du... Non! Bon, on vient de régler le problème, plus de Zeb, plus de Gustave. Hein, plus de Gustave! Plus de Gustave! Non! Comme ça, là, bing-bang, un matin. On va juste de se le réapproprier. Your ex, future boyfriend, is dead. Tania, tu ne pleures. Oui, elle a de la peine, regarde. Non, pauvre Tania. Oui. Mais moi, ce que j'en retiens, c'est que Gustave n'est pas médecin, hein, parce que de la schizophrénie puis un dédoublement de personnalité, c'est pas la même chose. Non. Fait qu'en tout cas, moi, je voulais pas. Les gens devraient pas se fier à ça. En tout cas. Gustave n'a aucun talent de reporter, mais au moins, il sait essayer. L'important, c'est de participer. C'est n'avait aucun talent de reporter. Ouais, parce que il s'est fait tirer. Ah oui, c'est vrai. C'est pas comme Marie Melon qui a de la résilience. Non, Marie Melon, même si on lui tire dessus, parce que c'est déjà arrivé, il y a beaucoup d'action dans cette émission-là. Ben là, je vois ça. Mais elle revient toujours. Gustave va peut-être s'en sauver, on sait jamais, parce qu'il y a déjà eu des affaires avec Gustave. Est-ce qu'on se rappelle de qu'est-ce qui s'est passé avec Gustave dans la vie, mettons, avec Stéphanie et tout ça? Il y a comme 3 saisons, on n'a pas le 3 temps. 3 saisons, le DVD va sortir okay, oui. En 2016, je pense. Voilà. En 3 volumes de best-of. C'est ça. De chacun une minute. Oui. C'est mieux que rien. C'est ça. C'est surtout du générique d'ouverture avec Gustave qui sourit à la caméra. Oui. Donc, David Ferron, après ces mésaventures qu'on aura la chance de suivre mensuellement et plus dans ta chronique. Oui. Entre autres, le retour de Marie Melon, j'espère. J'espère que non. On verra. Ton sujet principal d'aujourd'hui? Ah oui, je tiens à dire, je fais une petite parenthèse parce que Gustave, autant qu'il aime les co-animatrices, Marie Melon... Les déteste. Watch your back. OK. Surveille ton derrière. Ouais. Comme on dit. Promis. C'est pour ça que pour l'instant, Marie Melon, elle est dans un grenier enfermé. Ah, mon Dieu. D'accord. On a des développements, là. C'est des développements d'histoire. Ça s'appelle du plot thickening. Oui. Mm-hmm. Donc, pour... Ça, c'est du remplissage de... Ouais. Oui, pour remplir... En anglais, ça se tient. En anglais, c'est très, très bien expliqué. Oui, mais en français, beaucoup. Non? OK. Ça prend du porn starch au lieu du corn starch. C'est de bon goût. Parle-nous, David, de ton sujet d'aujourd'hui. Oui. Ah, c'était pas ça, mon sujet? Je sais pas. À toi de nous dire. Non, ben en fait, c'est comme il y a toujours deux sujets. Je suis comme un épisode des Simpsons. J'ai comme un préambule qui n'a aucun rapport et le reste de l'émission. C'est comme ça qu'on aime ça. Oui. Et puis, comme tout le monde dit, c'était meilleur des premières saisons. Ouais, mais ça a pris quand même 8 saisons des Simpsons avant que ça soit poche. Moi, je suis juste rendu à ma 4e saison. T'en tiens très bien. Come on. Ouais, come on. Voyons. Donne-y une c'est chance. Dit. Donne-y une chance. Oui, voilà. Puis en plus, Tania, c'est un nouveau personnage. Fait que oui. Elle oui. Renouvelle, elle rafraîchit. Moi, je suis un personnage en soi. Ben, on le dit, t'acceptes tout ce que je dis en disant oui, je, oui c'est vrai que je suis comme vrai. Ça oui. À chaque affaire. Oui, c'est un reboot. Fait que dans le fond, c'est juste réussi. C'est ça, c'est un reboot. Ils ont juste changé l'actrice qui joue le même rôle. Exact. De co-animateur, co-animatrice depuis le début. Ben dans oui. Le fond, c'est Ki-One. Qui c'est le rôle de Ki-One qui a été repris par Stéphanie Paradis, par Jean-Philippe Charbonneau. Par plein de monde, de François... Fallait être là en 2009 pour comprendre la référence. Alors oui, je vais vous présenter trois chanteuses. Oh! Three chanteuses? Oui, mm-hmm. Exactement, et chacun d'endroits différents de la planète. Donc la première, celle qui va jouer, en fait, je vais vous présenter en ordre que ça va jouer. Donc, ben, c'est logique, je te dirais, en radio. Oui, donc je vais vous présenter la première tune qu'on va entendre, c'est Wawa de Oum, O-U-M. C'est aussi simple que ça, la vie. Donc, une chanteuse, trois lettres, mais avec un univers vraiment plus riche que le nombre de lettres dans son nom. Ah, donc, Oum, c'est une chanteuse marocaine qui se spécialise dans le jazz. Elle chante dans un dialecte arabe marocain nommé le Darija. Et je ne sais pas si je le dis comme il faut, mais c'est marqué Darija. Et la chanson Wawa, qui veut dire Louis, lui. Hey, voyons. Lui. Oui, Louis. Comme, pas Louis comme l'audition. Non, temps. Comme lui, comme lui. Mathieu. Celui-là. Comme lui, là. Oui, oui this guy. Et donc, lui, la pièce Wawa, qui veut dire lui, fait partie de l'album Soul of Morocco. Et c'est une tune qui n'est pas très compliquée. C'est pas du jazz expérimental, ça révolutionne rien. Mais parfois, c'est le fun d'être cheesy. Ben oui. Ben oui. Surtout quand c'est du bon cheesy. Là. Gratiné, là, tu sais. Oui, pas genre cheese whiz. Non. Mais cheesy, puis en plus, il y a un petit twist méditerranéen. Fait que pourquoi pas? Ben oui. Tu sais, ça fait penser un petit peu au petit côté de Florence K. Tu sais, c'est léger, mais c'est bien fait. On sent que c'est sincère. Tu sais, c'est pas mal foutu. C'est pas ringard. C'est juste cheesy, mais... Qui vient du cœur, pareil. Oui, c'est cheesy qui vous rend optimiste. Ouais. Ah, voilà. Donc, la deuxième chanson, c'est Rain d'Ever. Ça s'écrit E-I-V-O-O avec une petite barre R, mais ça a l'air qu'il faut dire Ever. OK. Donc, c'est plus facile à dire qu'à écrire. Ouais. Et avec des petites barres là, sur un clavier. Là, bonne chance. C'est difficile. Bonne chance. Ah non, c'est ça. Il faut que je fasse un copier via l'application iTunes. Un copier violé, t'as dit? Non. Moi aussi, j'ai entendu ça. Ah oui, oui. Copier via iTunes. OK. Ah, via. Oui. Ah. Via. Ah. Oui, je parle trop vite. Non, ça va. J'ai trop de joie à transmettre mes tunes. Je trouvais ça juste drôle, un copier violé. Oui, ça veut dire copyright infringement. C'est ça. Donc, c'est déplacé de toute façon. Oui. Ben, en fait, un copie sans droit d'auteur, c'est déplacé de toute façon. Ah, là, t'as une morale à ta chronique en plus. Oui. Incroyable. C'est tout, ma chronique et rien à la fois. Donc, oui. Pour revenir à Ever, Ever est originaire des îles Féroé. Ça, c'est... des îles qui appartiennent au Danemark et où c'est que c'est situé, c'est comme entre l'Islande et la Grande-Bretagne. Ah. Fait que c'est comme entre ces deux endroits-là. Puis Ever, de son vrai nom, Ever Palsdottir. Donc, c'est une auteure, compositrice, interprète qui a déjà 10 albums en 15 ans de carrière. Ooh. Mais quand je dis 10 albums, c'est 10 albums solo. Okay. Parce qu'en 15 ans de carrière, elle a aussi fait 6 albums avec des groupes ou en collaboration avec des projets orchestrales, des trucs comme ça. Là. Donc, elle touche à toutes sortes de styles musicaux, que ce soit le rock, le jazz, la pop, l'alterno, etc. Puis la tune qu'on va entendre, c'est la pièce Rain, et c'est tiré de son album Home, sorti en 2012. Mmh. Et là, ce qu'on va entendre par la suite, c'est une... Ben, je pense pas que c'est une... Ça m'étonnerait, c'est une primeur, mais... Mais, sérieusement, c'est un coup de poing dans la face. Oh! Oh! Musical. Ça s'appelle Steady Waves de Cross Record. Cross Record. Mm-hmm. Donc, Cross Record, c'est quoi? C'est du Odd G, c'est du Imogen Heap puis du Carquois. OK. OK. Mélange ensemble. Ah oui, puis ces trois-là, ça s'entrechoque. Et la pièce Steady Waves, ça vient de l'album Wabi Sabi qui va sortir. Qui? Il n'est pas sorti. Qui va sortir le 29 janvier 2016? Donc, c'est presque une primeur assez fou, en tout cas. On l'a jamais entendu ici, je pense pas. J'espère que non. Sûrement pas. Parce que là, mon orgueil en prendra un coup. Ben oui. Puis là, c'est pas capable de pas être le premier sur ça, toi. Non. Ben, je l'accepterais quand même. Je me dirais, je suis quand même bien, tu sais. J'ai d'autres qualités. T'as d'autres qualités. Ben oui. Mais en fait, c'est ça, c'est un projet Cross Records. Là, je dis cross avec l'accent francophone, je sais pas pourquoi, là, mais... Ouais. C'est Cross Records, c'est un projet conjugal. C'était formé par l'auteur, compositrice, interprète Emily Cross et son mari Dan Dozonski, qui, lui, a produit l'album. Et là, Madame Cross est également impliquée dans l'aspect visuel de l'album parce que c'est elle qui conçoit la pochette. L'album n'est pas encore sorti, ça sort dans 2 mois. Non, en fait, 3 mois même. Ouais. Mais la pochette est déjà là parce qu'on fait de plus en plus ça. On utilise avec une toune, une autre toune, on sort la pochette, la tracklist. Et là, bang, l'album. Une chose à la fois pour créer un petit engouement. Mais oui. Exactement, et là... Je décrirai pas la pochette parce que c'est gore, mais c'est quand même beau. Mais si je vous l'explique de manière textuelle, ça va avoir l'air dégueulasse. Fait que c'est je vous conseille trop, ouais. D'aller voir la pochette. Wabi Sabi, c'est le nom de l'album. Une pochette d'Halloween, si on veut. Épeurante. Si je l'expliquerais comme ça, oui. Ouais. Mais faut aller le voir. Je préfère vous avertir, allez voir la pochette de Wabi Sabi. Et qu'est-ce que ça veut dire Wabi Sabi? Je vais essayer de bien expliquer parce que le concept a l'air hyper compliqué. Mais c'est comme un concept japonais qui signifie, si je comprends bien, l'art d'être capable de trouver la beauté dans l'imperfection, la profondeur, dans la nature et la capacité de faire le pont entre le monde spirituel et matériel. Est-ce que tu dirais que la pochette, c'est comme deux scorpions qui se touchent? Exactement. D'accord, c'est bon. Mais dis de même si tu fais comme ouais, ça. Moi, c'est rien. C'est mais... Comment c'est traité, c'est très artistique. Ouais, c'est quand même bien fait. C'est beau, c'est pastel un peu, c'est joli. Oh, il fait qu'il y a un petit côté très tendre. Oui. Donc, contrairement au scorpion qui est très croustillant, je crois. Ouais, peut-être que c'est ça l'équilibre. C'est ça le Wabi Sabi, tu sais, l'équilibre. Mm-hmm. Donc, on va écouter Wawa de Home, après ça Rain de Ever et Steady Waves de Cross Record. Dans la carte bleachée de David Ferron. Oui. À Assemblage Rookie. سيتاج كفوفي دي لذاتي الباس روحي تشوفي الساكن فيا ماشي المسكن برش كتافو لحلامي ودراعو جردة في منامي وخير من عيني يا عيني تشوف قدامي هو اللي شد بيدي وقاطع بيا الفصول هو اللي عليه نغني ونكتب ونقول قلبو فوق راسي تاج كفوفي دي لذاتي الباس وروحي تشوفي الساكن فيا ماشي المسكن برش كتافو لحلامي ودراعو جردة في منامي خير من عيني يا عيني تشوف قدامي هو اللي شد بيدي وقاطع بيا الفصول هو اللي عليه نغني ونكتب ونقول عنده دوق وشانو سر بغيت في قلبو نكبر تا يفهمني واخا بلا نتكلم حل بواب لحلامي هو روح

shimmery, it makes me dizzy. To listen closely to the steady with. Cross Record avec Steady Waves, précédé de Ever avec Rain, et avant ça, on a commencé avec Oum et Oua. APS, tendresse. Oui. Bon matin, les poussinots. Bonjour, c'est toujours David Ferron, mais d'entendre ces trois pièces dont on a parlé avant. Oui. Hein, donc, il fallait être là. Oui. Mais au moins, on sait les titres et les artistes. Pis sinon, c'est vrai, comme je faisais dans le temps, je mettais mes textes sur le blog. Je sais pas si c'est possible à ce temps, vu que ben oui. Tu as changé la plateforme. Ben oui. Je vais y penser. C'est clair. Puis on cross-postera ça, hein, cross-posté. Postage croisé sur la page Facebook d'Assemblage. Ben oui. Hein? C'est cool. Merci David Ferron. Ben, merci de m'avoir accueilli encore une fois. Est-ce qu'on te retrouve dans un autre mois ou bien dans deux semaines? Ben, ça dépend comment ça va votre santé psychologique, là. Ouais, ben, si on veut se rappeler de tes histoires, il faut que tu viennes plus souvent. C'est ah, ça. C'est bon, oui. Fait que là, je vais essayer de donner des nouvelles de tout le monde dans ma tête, là. J'aimerais ça. Oui. La schizophéronie. Oui, j'aime ça. David Ferron, on te retrouve donc dans deux semaines. C'est les lundis à 8h30. Ou sinon, si vous êtes trop impatients, le jeudi 17h. Ah, c'est vrai, la plug de ton émission, jeudi 17h, Palmarès du Monde, j'oublie tout le temps. Vas-y, parle-nous de ça, Palmarès du Monde, qu'est-ce que c'est? Oui, Palmarès du Monde, c'est beaucoup plus cohérent que la carte parce que Palmarès du Monde, c'est de la musique du monde, que ce soit en entrevue, que ce soit en chanson. Il y a un top 5 chansons, musique internationale à toutes les émissions avec, soit c'est ça, des entrevues ou de la musique thématique. Bref, on fait un beau parcours musical via les tympans. C'est une partouze musicale. Oui. Donc, Palmarès du Monde, les jeudis à 17h et ça repasse les samedis à 15h. Yeah! Ah, c'est fou. Merci, David Ferron. Ben, merci, Tania et Mathieu. Merci. À dans deux semaines. Au revoir. Au retour, Marie-Christine Perrin et sa chronique Gratin et vin gratuit. On parcourt les différentes expositions d'art visuel à Trois-Rivières. Oui. Restez là. Assemblage Reiki est présenté en collaboration avec l'AGE UQTR. De retour à Assemblage Reiki, on se l'a dit 26 octobre, oui, 2015, et Tania Baudin. Avec Mathieu Plante. Oui. Dans quelques moments, ce sera gratin et vin gratuit, la chronique de Marie-Christine Perra, mais avant ça... Avance. On écoute du Teen Days. Oui, avec leur pièce Pink qui se retrouve au palmarès C'est fou. Comme toujours. Comme toujours. Sur C'est fou. 89 ans. Dans vos oreilles. Climbed above the tree.